Beach, honey, the moon is shining oh so bright. I'm looking at the stars, thinking back on our very last night. Oh, baby, will fame be apart? I should have chosen that we weren't meant to be. I knew that right from the very, very start. I'm sorry. You and me, another world. culture was a seed of proliferation, but it's got it melted into an inharmonic hole, to an inharmonic hole. Consciousness has plagued us and we cannot shake it, though we think we're in control, though we think we're in control. Questions that precede us in life are testament of our helplessness. There's no vestige of a beginning, no prospect of an end. When we all disintegrate, we'll all have been again, yeah. Time is so rock solid in the minds of the horrors, but they can't explain why it should slip away. Explain why it should slip away. History and future are the comforts of our curiosity, but here we are, rooted in the present day. Rooted in the present day. Questions that precede just in light are testament of our helplessness. There's no vestige of beginning, no prospect of an end. When we all disintegrate, we'll all happen again, yeah. If you came to conquer, you'll be king for a day. But you too will deteriorate and quickly fade away. And believe these words you hear when you think your path is clear. We have no control. with lions tucked into their fur. Center.

Yeah.

walking down the street. Each dining out to all of the fear. And then it knew it was the end of her. Thank you. Yeah. tearjerker for all you lonely hearts out there. And this one's called Here Today, God Tomorrow. Bye. don't know who I wanna be. Won't somebody introduce me? I'm a boy, I'm a girl. Don't know what you think I am. I'm not no magician, I tell you, no, I am. Maybe I can open your pants, but big fucking deal. I feel so electric, I feel like a fucking eel. Fucking eel. I'm a boy. Too bad for you. You're never gonna understand. No, not you. Maybe it's where you're from, or maybe you're just so dumb. Well, take a walk. Take a walk in the sun. Well, I'm a boy, I'm a girl. Are you? c'était en 1983 et c'était dans un restaurant qui s'appelait La Mousson, qui était près de la Bastille où Bizot avait ses bureaux. J'étais avec une copine qui est maintenant un peu célèbre parce que c'est Judith Weintraub, une des grandes journalistes du Figaro. Et elle me dit, regarde, il y a Jean-François Bizot là. Et je venais de sortir un bouquin, enfin quelques mois avant, qui s'appelait Une scène jeunesse qui était consacrée aux branchés. Et je guettais dans Actuel, depuis déjà 2 mois, les réactions qu'aurait forcément ce livre, où je parlais beaucoup d'Actuel. Et il n'y avait rien. Alors, comme j'étais très timide, j'osais pas, et Judith m'a vraiment poussé dans les bras de Bizot, qui était debout, il demandait du sel, du poivre, de l'huile, je ne sais quoi. Je vais le voir et je lui dis, tu es Jean-François Bizot ? On se tutoyait à l'époque. Et il me dit, alors ? Je lui dis, je suis Brice Couturier. Il me regarde avec un sourire et ses yeux s'allument et me dit « Ah ouais, c'est toi, c'est toi. J'ai ton bouquin sur mon bureau depuis 2 mois et je sais pas quoi en faire. » Je dis « Pourquoi pas un article ?» Il me dit « Il y a quelqu'un dans mon équipe qui m'a dit que t'étais un vrai connard. » Alors, les bras me tombent, quoi, et je dis « Et c'est qui ?» Il me dit « Devine. » Je peux pas deviner, il me dit « T'as bien des ennemis, des rivaux, des concurrents. Alors cherche. » Et il retourne à sa table. Et après, c'est lui qui vient à la mienne avec Judith. Et il me dit, dis donc, quoi qu'il en soit, faut que tu passes me voir à Actuel. Lundi, à telle heure, je ne me souviens plus. Et moi, j'étais tout tremblotant à ma table et je me dis, waouh, ça y est. Et donc, le lundi suivant, j'ai rendez-vous avec Bizot. Qui me fait pas mal attendre, il est toujours en retard, c'est un bordel monstre dans tous les étages du journal Actuel où j'avais jamais pénétré, c'est, pour moi c'était vraiment le saint des saints. Et Bizot me reçoit, alors il était assis sur un banc, j'oublierai jamais parce que je l'ai revu après à de nombreuses reprises assis sur ce banc était couvert de magazines, des piles de magazines, et pendant qu'il parlait, il feuilletait des magazines qui étaient posés autour de lui. Mais bref, Bizot avait lu mon bouquin sur les branchés, et quand je le vois, il me dit « Bon, bah, tu vas venir bosser à Nova ». Je dis, ah ouais, ouais. Et effectivement, moi, ma passion dans la vie, c'était la radio à l'époque. C'était vraiment ce que je voulais faire. Je travaillais au Sénat, par ailleurs. Disons que j'avais une double casquette où j'étais un mec sérieux avec une cravate. Mais le soir, j'étais au palace, au bain-douche tout le temps et dans les concerts de rock. Et j'étais censé être un spécialiste de la New Wave. Et Bizot me dit, bon, alors, tu nous fais une émission sur la New Wave, hein? Je dis, non, c'est fini, la New Wave. Elle me dit, ah bon? Ah bon, c'est fini? Je dis, bon, mais c'est fini. Et c'est quoi maintenant, alors? Je dis, jazz oriented. Rock jazz oriented. Ah bon, bah c'est comme tu veux. Et n'empêche qu'il m'a donné ma chance. Et moi j'ai appris tout seul parce qu'il m'a jamais dit ce qu'il fallait que je fasse. Mais en tous les cas, si Bizot m'avait pas fait faire un éditorial le matin et puis une émission le dimanche soir et puis une émission tous les soirs et puis le journal après, ah t'as qu'à faire le canard parce que tu t'intéresses à la politique, fais le journal. Donc il vous guidait pas, hein. Il vous guidait pas. Non, il donnait pas de conseils. Mais il vous laissait faire, il vous donnait votre chance et il vous laissait faire. Il repérait les gens qui avaient envie, je ne sais pas si c'est ceux qui avaient du talent, mais il repérait les gens qui avaient envie et il les laissait faire. Et il n'y a pas une génération, il y en a deux qui lui doivent leur début dans la presse et les médias, quoi. Thank you. sides, in spite of how it seems, our hopes attempt to treat parole by dollar bills and fries, impartial suicide. Soon your little well will fall. Je l'ai rencontré par l'intermédiaire d'une amie qui était avec moi en fac. Marie Coleman. Et J'achète actuel, qui reparaît en octobre 79. Et je vois le nom de cette amie dedans. Donc je l'appelle. Et elle me dit « Ah, c'est bien », etc. Donc on se voit. Moi, à l'époque, je suis à l'AFP, au service des écoutes, parce que ça existait à l'époque, puisqu'il y avait le mur. Donc on écoutait l'agence TASS. Il y avait des écoutes arabes, des écoutes iraniennes, etc. Et puis, quelques mois après, quand elle a eu besoin de quelqu'un pour l'aider, elle m'a appelée. Bon, donc j'arrive à Actuel, et là, je rencontre Jean-François Bizot, et il me fait très peur. Oh, toast of the way you start. The cockles of his heart. The panty says they buy up the wall. Please, please stop it. It likes it. Tickles it to death in a way. These lovely boots exist to drive it round the twist. The call of nature must be obeyed. Moi, j'ai 24 ans, lui, il en a, je sais pas, 38, 39. Mais c'était un géant, Bizot, physiquement. C'est un mec très grand, très balèze. Il a une grosse voix. Donc, je perds pas mal mes moyens. Je suis assez bête. Et j'ai très vite senti que, comment dire, que je pourrais pas faire illusion. Que ces types avaient un espèce de truc au laser et qu'ils voyaient que j'étais une imposture. Parce que je suis arrivée là en disant que j'étais secrétaire de rédaction. J'avais jamais fait ça de ma vie, quoi. Donc, voilà. Et que lui, il a tout de suite vu que je faisais un plan incruste, quoi. Voilà. Thank you. eyes so right, and I like the way you nod after everything I say, like it actually means something to you. And I like your record collection, Townsend Jens with a hint of Ricky Lee. And you cleaned up the bathroom, made a really nice soup, but a bit too much sci-fi in your shelf with DVDs. But there are things you need to know about me. I'm weak right now, so weak right now. I need proof for a dare to open this heart, so I prepared a quiz for you. Would you freak out if I said I liked you? Do you walk the line? Is your IQ higher than your neighbor's, and is it very much higher than mine? Can you sleep when I grind my teeth? Do you look away if I slob when I eat? Will you let me be myself? Can you at all times wear socks, because I'm still scared of feet? And if I fall, would you pick me up? And if I fall, Seinfeld, do you read more than 2 books a month? Do you get racist or sexist when you've had a few? Is it fine if I make more money than you? Have you slept with any people I work with? Is there anyone you rather wish I'd be? Do you still keep pictures of girlfriends? Are they prettier than me? And if I'd fall, would you pick me up? And if I'd fall, I'd fall, would you pick me up? And if I'd fall, would you pick me up? C'était un personnage extraordinaire parce qu'il était déstabilisant. Par exemple, un truc qu'il faisait souvent, mais beaucoup de gens te diront, moi il me l'a fait souvent, il me téléphonait souvent le soir et il disait « Alors ?» C'est tout, il disait « Brice, ça va ? Alors ?» Et toi, tu étais censé lui dire ce que tu avais vu d'un nouveau et d'intéressant, d'original au cours des semaines qui étaient écoulées entre le dernier appel avec « Alors, ça va ?» et le truc aussi étonnant chez Bizot, c'est qu'il ricanait tout le temps. Donc, tu avais toujours l'impression que tu venais de dire une énorme connerie. Quoi. Il savait vraiment déstabiliser les gens. Et en même temps, en fait, quand tu le connaissais mieux, parce qu'après j'ai appris à le connaître en travaillant pour lui, c'était quelqu'un de profondément généreux, d'extrêmement drôle, et par rapport à tout ce petit milieu de branchés où on se poussait tous du col et on avait tellement une telle soif de réussir, de faire parler de nous, etc. En fait, c'était celui qui s'en foutait le plus, parce que lui, il avait vraiment rien à prouver. Il avait déjà prouvé une fois avec la première version d'Actuel, il avait refait un coup d'enfer avec la deuxième, donc il n'en avait rien à cirer. Christmas out in Ho Chi Minh City, kitty Papa Sam, take me home. See me got photograph of you and Mama Sam, of you and Mama Sam. Let me tell you about your blood bamboo kid. It ain't Coca-Cola, it's rice. Straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Oh, Papa Sam, please take me home. Oh, Papa Sam, everybody, they wanna go home. So Mama Sam says, wanna play mind crazed banjo on the druggy drag ragtime USA in Parkland International, hey, junkie dumb USA, where procaine proves the purest rock man groove and rat poison. The volatile Molotov says, straight to hell. Can you cough it up loud and strong? The immigrants, they wanna sing all night long. It could be anywhere, most likely could be any frontier, any hemisphere. No man's land. There ain't no asylum. King Solomon, he never lived round here. Straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Hold of me. Oh yes it did, I said. Something got hold of me. It rattled around my head. Something got hold of me. Oh yes it did, I said. Something got hold of me. It rattled around my head. I went to a meeting last night, but my heart wasn't right. I went to a meeting last night.